Approchez. Riska, Riska, Riska, Gang. Comme sache que le cœur y est, j'ai des têtes partout, le terre-terre est quadrillé. C'est le minéraux au fond du parier, pas fiancé à la street, on est marié. Ta double H, je suis un long, ça je t'ai déjà choqué, tu m'envoies navré. Tu parles mal, ta bouche et le ça, quand je crache tout au fond, c'est pour la laver. Hey, ça pue parce que tu mouilles pas, guerrier d'Afrique ou pas. Je vois les choses en grand comme Mutombo, Mirambo, Mitempo. Je veux qu'il refasse la liste de forme, je veux qu'il regarde ma bite et sa forme. Pas de neuf pour que vous mouriez, j'envoie missile comme l'eau pourrier. Hey, ouh, j'kiffe quand je nique des mères et leurs gros chats de mille. 510 chevaux, je roule près du récif. 400 sous de peau, c'est très très agressif. Je veux faire du shit, je veux le soutien de toute la mif. Rajoute des additifs, au maximum de TH et je tire sur mon slip. J'ai le regard au slip. Non, putain, me dis pas merci, je vais m'énerver, du sang va se verser. Je vais t'attraper le crâne et le père. Si je t'envoie une rafale dans le vide pour m'exercer, c'est que de valcheux mis sur moi entière. C'est ouf, juste un boîte à caca pour me faire. Chez la lune se met en croissant pour me percer. Je suis partout, pas besoin de me chercher. Ouh, oh, c'est bérise là. Fuck ton amour, on est bizarre. On te pèse, on te laisse au volant du camion, mais ce n'est pas un camion, un pizza. Ouh, j'ai envie qu'on me laisse compter mes thunes. J'ai envie qu'on me laisse couper mes plaquettes. Eux ont envie de marcher sur la lune. Moi j'ai envie de marcher sur ta tête. Putain. Jack. Putain. Je vous baisse tous, gros charbon, j'ai voyagé trop de bornes. La guerre jusqu'à ce qu'on pèse tous. J'irai vous tue, j'ai ramené des pop formés. Aussi RB sur mes clips, showcase ma tue pour l'oprice. Je me couche plus tard qu'une escorte, je me lève plus tôt qu'un terroriste. Moi je m'organise dans tout Saint-Ouen, je fais les chiffres d'un four à Saint-Ouen. Je suis dans le feu d'action Foretti, la chapa du bon Moretti. Le fait mestré, c'est ringra, chargé comme un parasé le zoo. Je te passe 100 grammes dans la semaine, 10 kilos dans sa rafraisou. Je vais te la mettre, t'es doute pas de ça. J'écoute Drake, t'écoute Hamza. Affranchis musique, moi que le game. T'as besoin de nous, ma gueule, on cale ça. Il est minuit, j'ai fait le boulot. Avant qu'on fait, j'y m'emmène. Frérot, je te jurerai jamais. Achète ta parole quand même. Qui sont les vrais bandits saletés, brandis l'âme, dès que ça chauffe, on remplit vos chambres. Qui fout le chambre, des troqueuses au clos, demande à l'enclos. Qui nous sommes, qui nous sommes. J'suis vintage comme un Kildaya. Grande la tête, pyramide Maya. J'ai le boom, j'ai le hush, j'ai le click fire. Bam, bam, bam, bam, dans les trous de la peau. C'est blanc quand c'est star, tu sens dans le drapeau. Qui le cheat, on les minces, tous les schmitts, on les rince.